La partie la plus difficile, je dirais, je peux dire que c'est que nombre de personnes souffrent en silence. Et le pire, notre gouvernement, ceux qui doivent nous aider, nous bénévoles, sur cette lancée, s'en fichent. Nous nous voyons alors dans l'obligation de nous débrouiller avec le peu de moyens qu'on a, et surtout à encaisser sur toutes les mauvaises langues qui nous disent vous fatiguez, c'est peine perdue. Souvent, on se sent seul, perdu, sans aide, triste, démuni de tout pouvoir, effondré. Souvent, on se dit ça vaut pas le coup, car ceux qui doivent nous aider se préoccupent guère de ce que nous pouvons. De ce que nous pouvons faire, voilà le sentiment d'une personne bénévole, une personne qui veut le changement pour son pays, pour le monde.